et dire que tu vas atteindre le développement. On utilise beaucoup de moyens pour satisfaire tes enfants car ils ont besoin beaucoup de moyens. Pendant la création, Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse être responsable sur terre. Dieu n'a jamais dit de donner naissance beaucoup d'enfants et au manque de quoi à leur donner. Dieu a créé la terre tenant compte sur ce qui va y vivre. Les Burundais en général, s'ils voudraient que dans 2040, le Burundi deviendrait un pays où chaque Burundais vit dans une belle maison, et moi aussi, je suis parmi les Burundais qui ont exagéré. Je suggère que chaque Burundais mettrait au monde au moins 3 enfants. Nous attendons un recensement pour savoir le nombre exact des habitants burundais et l'augmentation de naissance. Je suggère qu'il y aurait des mesures qui seraient prises. Les professionnels des médias devraient traiter aussi des sujets en rapport avec la sécurité alimentaire. Appel lancé par la présidente de l'Association des femmes journalistes, AFJO, ce mercredi après la remise des prix aux meilleures productions sur la sécurité alimentaire. Diane Ndoncé trouve que ces informations contribueraient à l'éducation sur la sécurité alimentaire et à la lutte contre la malnutrition. On l'écoute. C'est d'abord d'encourager les médias à produire des émissions, des reportages, des articles sur la sécurité alimentaire et également pour les journalistes de faire leur travail de façon professionnelle, surtout dans la production des articles, de ces émissions sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous avons eu les productions de bonne qualité, je dirais, par rapport aux productions qui ont été soumises. 4 journalistes ont été primés. La FGO espère que les journalistes vont continuer à produire des émissions, des reportages, des articles sur ce sujet de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et c'est vraiment un sujet très sensible dans nos jours, vu qu'il y a la flambée des prix, qu'il y a une insuffisance d'aliments dans notre pays. Tout ça, ça revient aux journalistes d'être responsables, d'informer à la population qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui manque, d'interroger les autorités pour que chacun contribue à son niveau pour qu'il y ait vraiment cette sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'était Diane Ndoncé, c'est la présidente de l'Association des femmes journalistes AFJO. 21 nouvelles variétés de canne à sucre ont été homologuées ce mercredi par l'Institut des sciences agronomiques du Burundi. Ingénieur Willy Irakoze, directeur de l'ISABU, fait savoir que ces variétés vont permettre à la société sucrière du Mosso d'augmenter sa production. L'administrateur directeur général de la SOSUMO, Aloïs Ndaï Kengurukiye, quant à lui, indique que les terres cultivables pour ces nouvelles variétés sont déjà disponibles. Un reportage d'Ingabire Dohoreb. Les nouvelles variétés vont permettre à la société sucrière du Mosso d'obtenir un rendement plus élevé, aussi bien en qualité qu'en quantité du sucre, comme l'indique ingénieur Willy Irakoze, directeur de l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, ISABU en sigle. Et les nouvelles variétés homologuées ont un rendement plus élevé par rapport aux variétés classiquement utilisées. Mais aussi ces variétés, comme vous l'avez constaté, ont des valeurs, des normes de qualité supérieures par rapport à la plupart des variétés classiquement utilisées dans le temps. Et donc voilà, ça pourra donc permettre d'augmenter la production et la qualité. Pour sa part, le général-major Aloïs Ndaï Kengurukiye, directeur général de la SOSUMO, les terres cultivables pour ces nouvelles variétés sont déjà disponibles. Pour le moment, nous avons des superficies sous canne qui sont aussi autour de 3600 hectares. Donc on va planter progressivement. Nous avons des terres disponibles qui ne contiennent pas la canne. Donc on va commencer par ces terres disponibles et progressivement on va planter jusqu'au remplacement progressif de ces variétés. Toutes ces variétés sont destinées à la société sucrière du Mosso, selon encore le directeur de l'ISABU. Une question lui a été posée concernant une étendue réservée à la société TBC, Tanganyika Business Company, se trouvant dans la réserve naturelle de Lukoko en commune Gihanga, mais qui n'a jamais produit de résultats depuis plus de 10 ans. Le directeur

interrogé. Dans une réunion que le gouverneur Dogi Tega, Venama Nirambona, a tenue envers les chefs de quartier il y a 2 semaines, il a indiqué qu'ils vont porter la question au ministre en charge des infrastructures. Ce que nous allons faire, c'est demander au ministre de nous aider en passant par le service des marchés publics. S'il ne peut pas continuer, eh bien, de débloquer la route et laisser le passage. Nous avons cherché le chargé des travaux de pavage de l'entreprise qui a gagné le marché Herman Sabiyumva, qui nous a dit qu'ils auront terminé dans 1 mois. Nous tranquillisons les habitants de Magarama car notre fournisseur va amener les pierres de pavage qui restent. Une autre chose, c'est que maintenant le mazout est disponible et notre véhicule pourra disponibiliser le sable. Je ne saurais dire le délai, mais avec ce mois en cours, on aura terminé. Ces travaux qui devraient durer 6 mois, il y a 2 ans qui sont à l'arrêt au moment où chaque ménage a payé 40 000 francs bou. Depuis Gitegar, Tukavabushi, Radio Sanganiro. Sport militaire en présent des compétitions en athlétisme et en arts martiaux organisées au sein de la Force de défense nationale du Burundi renforce la cohésion sociale entre les militaires. Propos du général de brigade Telesforo Barandereka, chargé de l'instruction, de l'entraînement et de l'opération à l'état-major général. C'était lors de l'ouverture du championnat d'athlétisme à l'endroit des militaires de différentes catégories. Il ajoute que les gagnants représenteront le pays dans des compétitions internationales. Suivez-le. Le thème de pour vous, c'est ces activités sportives nous avons organisé. Le sport au sein de la FDNB est le pilier de renforcement des capacités physiques et de la cohésion pour faire le métier des armes avec vos mains. C'est-à-dire que nous avons organisé ces activités pour voir à quel niveau Force de défense nationale a au niveau du sport. Et d'une grande importance pour les militaires. D'abord, ça développe les capacités physiques qui aident les militaires à accomplir leur mission avec force, leur mission avec aisance. Ça leur permet aussi d'accomplir leur mission et la cohésion permet aux militaires d'accomplir aussi leur mission. Parce que la mission d'un militaire, c'est-à-dire on doit travailler mais avec esprit d'équipe, avec esprit de corps. Donc, c'est pourquoi nous avons organisé ces activités pour voir à quel niveau nous sommes au niveau de la FDNB en ce qui concerne le sport, en ce qui concerne l'athlétisme. Parce qu'il y avait beaucoup de temps que ces activités, on n'a pas pu organiser ces activités suite aux missions diverses. La FDNB qui était assignée à la FDNB. Pour le moment, comme la situation permet, on doit relancer ces activités d'athlétisme militaire qui ont une grande importance au sein de la Force de défense nationale du Burundi. Après ce championnat, les attentes, que nous allons voir à quel niveau nous sommes, nos militaires ont atteint à quel niveau. Parce que ça nous permet de voir comment, d'abord, les premiers, ceux qui ont de bons résultats, nous allons les recruter pour le club Muzinga Athlétisme. Comme vous le savez, le club Muzinga Athlétisme, ce sont des athlètes qui se marquent au niveau national, même au niveau international. Donc, c'est une bonne image pour la FDNB et aussi pour le pays. Le général de brigade Telesforo Barandereka, chargé de l'instruction, entraînement et opération à l'état-major général. Le Fonds monétaire international a annoncé lundi 10 avril être parvenu à un accord avec le gouvernement burundais en vue de la mise en place d'un programme d'aide de 261 millions de dollars sur 40 mois. Son objectif est de soutenir la reprise économique du pays face au choc auquel il fait face. Mais il devra d'abord être approuvé par le conseil d'administration du fonds. Ce programme est le premier à être convenu entre les deux parties depuis la crise politique de 2015. Parle, rassure-moi. Le discours moqueur est un discours souvent utilisé au sein de la société avec l'intention d'attirer l'attention et pour dénoncer ce qui ne va pas bien. Explication de l'abbé Lambert Riazimana, chargé de la communication et information au diocèse de Ngozi. Ce prélat précise que ce genre de discours est utilisé par les leaders pour susciter l'adhésion à leur programme. Et celui qui utilise ce genre de discours doit tenir compte du contexte pour éviter des conflits. Moïse Misago. Il existe deux sortes de discours moqueurs, dont l'ironie paradoxale qui amène l'auditeur à être frappé par une situation qui interroge. L'abbé Lambert Yazimana, chargé de la communication et information au diocèse catholique de Ngozi, précise que ce genre de discours est souvent utilisé dans la communauté. Par discours moqueur, nous distinguons deux sortes de discours moqueurs. D'abord, l'ironie paradoxale. L'ironie, c'est faire semblant de ne pas voir l'absurdité d'un énoncé et ainsi amener l'auditeur à être frappé par une situation qui interroge, par le fait même qu'on présente une chose absurde et qu'on la considère comme si elle était réelle. Avec ce genre de discours, l'on stigmatise ou l'on dénonce généralement les incohérences par rapport à ce qui est considéré comme normal. Ce discours vise à discréditer et susciter l'adhésion, poursuit l'abbé Lambert Yazimana. Généralement, on y stigmatise ou dénonce les incohérences et les inadaptations individuelles collectives. Ainsi, cette dénonciation ou stigmatisation vise à discréditer ou cherche à susciter l'adhésion aux moqueurs et à un désintéressement par rapport à ce qu'on dénonce, qu'on stigmatise. Les discours moqueurs sont souvent utilisés par les leaders des groupes pour poser des questionnements. L'abbé Lambert Yazimana. Ces discours sont utilisés souvent par les leaders de groupe parce qu'ils veulent susciter des questionnements, des réflexions. C'est-à-dire quand on se moque de quelque chose ou bien quand on ironise sur quelque chose, les gens qui t'écoutent arrivent à se poser des questions. Pourquoi tu affirmes une chose qui est paradoxale? Et on veut alors susciter des questionnements, des réflexions pour que les gens puisse prendre des positions par rapport aux questions sociétales, aux questions des politiques publiques d'une société. C'est pourquoi les leaders des groupes recourent au discours moqueur, à l'ironie paradoxale, pour que les gens puissent s'interroger et pouvoir adhérer à leur programme, par exemple. On ne peut pas parler de discours moqueur quand on n'est pas en démocratie, martèle Abbé Yazimana. Ce discours constitue une autre forme de communication politique, selon toujours ce communicateur. Les discours moqueurs apparaissent généralement dans la vie des sociétés, dans la vie des collectivités, et surtout en démocratie, parce que c'est là où se trouve la liberté d'expression. On ne peut pas parler de discours moqueurs quand on n'est pas en démocratie, quand les gens ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent de la réalité, de la situation socio-politique, économique, etc. Des impacts sont situés à deux niveaux. Ce discours provoque le changement, sans devoir irriter ceux qui sont concernés par les situations qui font objet de moqueries. Les changements parce que les gens arrivent à se poser des questions, peut-être là où personne ne se pose pas des questions. Et quand on commence à se poser des questions sur la vie des sociétés, là-bas alors on est prêt à changer ou bien à adopter des comportements, des attitudes conséquentes. Mais des conséquences négatives aussi s'observent quand, par exemple, elles sont liées à l'incapacité de situer la moquerie dans son contexte. Il faut comprendre que le discours moqueur ou l'ironie peut fonctionner sur le mode de l'implicite, sur le mode du non-dit, qui peut être difficilement identifiable. Et dans ce cas, ça peut créer des malentendus, des malaises, voire des conflits. Pour l'abbé Lambert Yazimana, chargé de la communication et information au diocèse de Ngozi, estime qu'il ne faut pas éradiquer ce genre de discours. Plutôt, il faut asseoir la démocratie où il y a une liberté d'expression. Le rappel des titres avant de nous séparer. Quatre meilleurs lauréats de notre consoeur sur Isanganiro, Marie-Claire Kazeneza, ont reçu des prix pour leur production journalistique en rapport avec la sécurité alimentaire. Et 21 nouvelles variétés de canne à sucre ont été homologuées ce mercredi par l'Institut des sciences agronomiques du Burundi à la Société sucrière du Mosso. On affirme disposer déjà des terres où les planter. Et les travaux de pavage des rues du quartier Magarama à Gitega sont à l'arrêt depuis 2 ans déjà. Le projet en charge du chantier promet de les terminer dans 1 mois puisque le matériel qui avait manqué est maintenant disponible. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.